Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder pour Baglis TV un sujet fort large, qui sont les rapports entre l'occultisme, les sous-cultures ou subcultures et la culture. Pour cela, nous allons avoir une discussion que j'espère passionnante avec Philippe Rigaud et Stéphane François. Je vais laisser nos invités se présenter. Je suis sociologue et effectivement je travaille sur les subcultures dark ou gothique. J'ai publié récemment un ouvrage qui s'intitule Continent Dark, introduction aux subcultures sombres aux éditions Ragage. Je suis Stéphane François. Je travaille principalement sur les rapports entre l'ésotérisme et le politique et aussi, c'est un autre axe de recherche, sur les rapports entre ésotérisme et subculture, justement. Et a priori, un livre devrait bientôt sortir sur le sujet. D'accord. Donc avant de commencer proprement dit la discussion, j'aimerais lire une petite citation d'Antonin Artaud qui donnera sans doute peut-être le ton au débat. Il y a l'hermétisme où l'on entre parce qu'il est fermé, celui où l'on entre et qui vous enferme, celui qui vous invite à entrer pour ouvrir ce qui est fermé. Peut-être très rapidement quelques définitions. Le terme d'occultisme, peut-être, je ne sais pas, Stéphane François. Alors, comment définir le terme d'occultisme? C'est un terme que tout le monde emploie, mais pour le définir, c'est pas évident. Je vais me placer dans la tradition d'un ésotérologue comme Jean-Pierre Laurent. L'occultisme, moi, je le verrais plutôt comme l'application pratique, l'utilisation pratique de l'ésotérisme. C'est-à-dire que l'ésotérisme, c'est plutôt une métaphysique, un système de pensée, et l'occultisme, bah, c'est simplement la pratique magique, le fait d'utiliser la magie à des fins particulières, l'utilisation concrète de cérémonies, de rituels à des fins magiques. Dans ce cas-là, je me place aussi dans l'affiliation de Massimo Introvigné, qui parle pas d'occultisme, mais qui parle de mouvement magique. Moi, je me place assez dans l'affiliation de Stéphane François, hein, et de la définition qu'il vient de donner. Peut-être que je perçois la notion d'occultisme comme renvoyant à l'idée aussi de public qui commence à se développer autour de ce qui n'était auparavant que l'ésotérisme, donc qui s'adressait en fait à des initiés. Donc il y a peut-être occultisme à partir du moment où il y a médiatisation Oui, c'est ça qui est de paradoxal, parce qu'on va l'ésotérisme. commencer à parler d'occultisme à partir du moment où ça va être médiatisé, donc plus du tout occulte. Tout à fait. Alors il y a une autre approche de la chose, celle définie par Anne Graf, Université d'Amsterdam, et Marco Pazzi dans sa thèse, qui voit l'occultisme comme la forme que prennent les mouvements ésotériques au XIXe siècle, et d'une certaine façon la continuité de cette forme qu'ont les mouvements ésotériques au XIXe siècle, avec un occultisme qui tend à syncrétiser d'autres éléments pour se transformer en mouvement post-occultiste, puis donner plus ou moins le Le nouvel Moyen âge. Âge. C'est aussi une autre approche qui n'est pas forcément contradictoire Non, elle n'est pas avec ce de vous forcément dites d'ailleurs. contradictoire, c'est une approche complémentaire. C'est une approche. Complémentaire parce que c'est vrai que l'occultisme au 19e va prendre souvent un aspect très pratique. Et c'est vrai que ces pratiques occultistes comme les runes, la divination et autres, on va les retrouver par la suite dans le New Age. Donc non, je pense qu'elle est plutôt complémentaire, simplement. Donc nous entendrons par occultisme le courant occultiste proprement dit, tel qu'il se développe à partir, grosso modo, d'Eliphas Lévi au XIXe siècle et sa continuité. Hein. Nous parlerons peut-être pour les périodes fin du XXe siècle, voire même à partir des années 1920-1930 de post-occultisme avec une certaine rigueur. Ensuite, deux termes qui méritent peut-être d'être définis, qui sont la culture et les sous-cultures ou subcultures. Je laisse la parole au sociologue. Alors la culture, on va essayer de faire très vite, hein, parce qu'on pourrait y passer des heures et une thèse entière. Moi, ce que je propose, c'est de prendre comme définition de la culture les référents ludiques, les façons d'être, les façons de penser qui sont validées par une société, ce qui n'exclut pas que ça puisse recouvrir une certaine pluralité. Et puis les subcultures, ça serait précisément ce qui va un petit peu à contre-courant de ce que valide la société, en contre-courant de façon plus ou moins offensive. Et en l'occurrence, je pense que les subcultures dont on va parler ont réellement quelque chose de marginal et de dangereux par rapport aux normes culturelles validées. Simplement pour la notion de subculture, je suis tout à fait d'accord avec le côté de dangerosité, mais à côté de ça, je pense qu'il faut mettre en avant la volonté de se mettre à la marge aussi, la volonté de rupture avec la culture, de proposer un contre-système, et de préférence un contre-système souterrain. Dans ce cas-là, Oui, je rajouterais le côté underground de la chose. Donc nous allons un peu limiter au niveau de la culture, puisque la culture finalement reprend les artisanats, les valeurs scientifiques, enfin, les conceptions scientifiques, etc., qui nous ont peut-être laissé de côté un peu pour cette table ronde, puisque c'est un vaste sujet, les rapports entre la science et l'occultisme, pour nous concentrer plutôt sur les milieux littéraires et artistiques, musicaux et picturaux. Donc nous allons essayer de poser plusieurs questions d'entrée de jeu et voir si nous pouvons y répondre ou faire avancer en tout cas le problème. Donc là, nous allons nous demander si nous pouvons parler d'une sous-culture occultiste ou subculture occultiste. Quelle relation l'occultisme entretient-il d'une façon générale avec les sous-cultures? Quelle relation les sous-cultures entretiennent-elles avec une culture dominante? Et les sous-cultures permettent-elles l'intégration d'éléments occultisme dans le champ de la culture? Pour ce faire, je propose que nous passions en revue les courants occultistes et leurs relations avec la culture dominante et les sous-cultures du 19e siècle jusqu'à nos jours. Au 19e siècle, l'occultisme a quelque chose de très prégnant dans la vie littéraire et artistique, tant française qu'anglo-saxonne ou germanique. On peut penser au romantisme allemand, par exemple, avec des auteurs comme Goethe. L'Angleterre, avec aussi certains grands écrivains, je penserai à Beverleyton, avec en particulier son livre Zanoni, sans doute. Machen aussi. McCann, oui, Yeats, ou même Conan Doyle avec les fées. Aux États-Unis, dans peut-être Poe également, que nous pouvons évoquer, hein. Plus toute une scène artistico-littéraire française très vaste. Est-ce qu'on peut parler de sous-culture à ce moment-là, ou finalement l'occultisme est totalement intégré dans la vie culturelle Vaste question, très vaste question. Parce que c'est vrai que l'ésotérisme, l'occultisme, c'est toujours présenté comme un milieu de marge. Simplement, si on se souvient de ce qu'a écrit Antoine Fèvre, même si la définition de Fèvre est un peu vieillotte maintenant au vu des découvertes, Fèvre dit sommairement que l'occultisme, l'ésotérisme au sens large, est une forme de pensée. Si je vais un peu plus loin, Émile Poula dit « C'est une forme de pensée qui a largement dominé le monde culturel et métaphysique » de l'Occident depuis le Moyen-Âge. C'est vrai qu'il y a, au XIXe siècle, à partir de cette remise en perspective, il y a d'un côté un phénomène de sécularisation, où les termes, les valeurs religieuses se perdent, se dispersent, mais en même temps, paradoxalement, il y a un retour à une sorte de sentiment religieux, de religiosité, qui est quand même assez dominante. Et pour la seconde partie du XIXe siècle, l'occultisme est quand même une grande influence les milieux littéraires, artistiques en général. Oui, on peut penser à Péladan, par exemple, qui est à la fois une grande figure littéraire et une grande figure des milieux occultistes de la France fin de siècle. Oui, tout à fait. Mais même sans aller jusqu'à Péladan, on peut penser à Victor Hugo qui faisait tourner les tables, à Barbey d'Aurevilly et à quelques autres. Balzac, par exemple. Donc, je pense que... Ce n'est que mon humble avis. Je pense que cette époque, l'occultisme n'est ni occulte ni marginal, et dilué, diffusé dans un certain nombre de textes. Dans une culture dominante. Oui, il est présent dans un certain nombre de textes, mais aussi comme mode de vie dans cette scène littéraire ou artistique. Et de ce point de vue-là, c'est un petit peu l'idée que je défends dans mon livre. Ce qu'on appelle aujourd'hui la scène gothique ou la scène dark prend réellement naissance à la fin du XIXe siècle. Qu'est-ce que c'est qu'une scène? C'est un univers où non seulement on propage des imaginaires, mais où également on développe une notion de style de vie en cohérence avec ces imaginaires. Et c'est vraiment la configuration qu'on a dès le XIXe siècle, et même avant, si on se réfère aux études de Mario Praz sur le romantisme. D'emblée, il le dit bien, il ne s'agit pas seulement de faire rêver le lecteur, il s'agit aussi pour les auteurs d'avoir un mode de vie en concordance avec ces univers où interviennent le surnaturel et d'autres éléments de ce type. Avec Yeats, par exemple, qui était à la fois le grand écrivain, le grand poète que l'on connaît, mais aussi un membre du Godeldorn, puisque c'est un ordre. Il y a Machen, on en a parlé, comme la citation que vous avez citée, il y a aussi Antonin Artaud. Il y a une volonté de concordance entre les deux. Mais ce sujet-là, on peut se poser une question, est-ce que ce sont des occultistes qui font de la littérature, ou des littéraires, des artistes, qui sont influencés par l'occultisme? Peut-être la huissemence, dans ce cas-là, est peut-être l'une des figures les plus emblématiques de cette dualité entre... Tout à fait. Cette ambiguïté entre est-ce de l'occultisme ou de la littérature, puisque on peut penser à Labat, par exemple, où huissemence a quand même enquêté dans le milieu occultiste parisien pour... Alors, je pense que, globalement, on serait plutôt, d'une façon générale, sur la seconde option, de littérateurs influencés par l'occultisme, mais sans être littéralement des occultistes, au sens savant du terme, puisqu'on peut préciser également, c'est qu'il y a une dimension militante chez certains. On évoquait Arthur Macken, très clairement, il parle de son travail littéraire de réhabilitation des anciennes légendes comme un parti pris anti-moderne, avec réellement une volonté de réhabiliter l'ordre de la légende. On aurait pu aussi citer Yeats, qui était quand même un des grands maîtres, un des hauts grades d'Hagod Eldorn. Non, c'est vrai qu'il y a les deux cas de figure, et c'est quand même assez difficile à démêler. Et cette dualité, de toute manière, on va le retrouver ça par la suite dans notre époque. Oui, c'est sûr. Mais par exemple, si on prend Stanislas de Gaeta, donc Stanislas de Gaeta était poète, ami de Barrès, et en même temps une grande figure dans un littérateur qui se lance dans l'occultisme ou d'un occultiste qui fait de la littérature? Bonne question. Bonne question. Et pour l'instant, parce qu'il est plus connu finalement pour ses œuvres occultistes que pour ses poèmes qu'il a publiés au début de sa carrière. Oui, mais le problème, c'est que la postérité ne garde ce qu'elle veut bien garder. Donc je connais pas assez bien l'œuvre de Gaeta pour m'étendre là-dessus, mais les choix se font toujours a posteriori. Il a très bien pu commencer comme littérateur, et malheureusement, ces textes n'étant pas de qualité ou n'ont pas eu la publicité nécessaire, on a gardé que le second aspect. Ça, c'est une autre chose, c'est la construction d'une mémoire collective. Donc la culture se définit finalement aussi post-production, finalement, c'est quelque chose, des choses qui sont gardées dans la... Mais une culture se définit toujours a posteriori, puisque dans le moment actuel, là où on est, où on vit, on ne peut pas faire de choix. Il y a des tonnes d'expériences qui se font, il y a des tonnes de choses qui s'écrivent, et c'est par un concours de circonstances que certaines choses vont être pérennisées, être retenues, et d'autres oubliées. D'ailleurs, c'est comme ça que de temps en temps, on redécouvre des écrivains perdus, des écrivains minorés, où on retrouve la qualité. C'est toujours une reconstruction a posteriori. Oui, et si notre culture actuelle regarde les auteurs du passé dont on est en train de parler plus comme des littérateurs que comme des occultistes, c'est aussi parce que notre culture a du mal à admettre qu'au moment du plein développement de la modernité industrielle, l'occultisme est extrêmement présent dans nos sociétés. Et ça, c'est quelque chose qui est difficilement pensable, parce que ça ne coïncide pas avec le regard conventionnel qu'on porte sur notre propre histoire, où nous serions dans une marche vers la rationalité. Donc, à partir du moment où notre culture évoquait les grands auteurs du 19e, on préfère précisément occulter le fait que certains d'entre eux flirtaient avec l'occultisme. La plupart, d'ailleurs, ça semble être quelque chose d'assez généralisé, puisque même quand on pense au succès de la voyante Henriette Couédon, donc la voyante de la rue de Paradis, qui a été évidemment consultée par tout le monde littéraire parisien, y compris Zola, qui pourtant n'est pas considéré comme un auteur ayant des accointances avec le milieu occultiste. Là, on touche encore à un degré supérieur dans le tabou, c'est que notre culture contemporaine a encore plus de difficultés à admettre que des hommes positionnés à gauche aient pu flirter avec ces milieux. Donc ça, c'est absolument impensable. C'est d'autant plus impensable qu'à l'époque, une bonne partie des milieux occultistes étaient quand même très à gauche. Et donc, c'est vrai que, vu notre évolution culturelle, on a vraiment du mal à concevoir ce genre de choses. Il suffit de penser à toute la polémique qu'il y a eu sur le François Mitterrand et ses voyantes. Pourtant, c'est quelque chose de très fréquent. Il n'y a pas que lui qui a pu le faire, mais on est dans une période de la mort de Dieu, comme disait Nietzsche, où l'aspect sacré a une tendance à être minoré, pour regarder que l'aspect purement techniciste ou matérialiste. Parmi ces auteurs de gauche, même socialistes, voire anarchistes, on peut penser à Jules Lermina, qui fréquente à la fois les milieux occultistes. Il me semble qu'il est la sœur à épouser Chacornac, ou il a épousé la fille de Chacornac, je ne sais plus ses relations exactes, qui est aussi un militant socialiste et qui s'investit dans les milieux occultistes. Philippe Muret, d'ailleurs, l'a très bien montré dans son ouvrage « Le 19e à travers les âges ». C'est quelque chose, en fait, l'occultisme est quelque chose de très dominant à l'époque. pour revenir à la première problématique, on est vraiment dans un milieu qui n'est pas si dans le grand que ça. Ah, tout à fait, oui. Même qu'il c'est devenu aujourd'hui impensable. Donc, d'une part, on minore la présence très forte de l'occultisme à cette époque. Et puis, lorsqu'on ne peut pas ignorer que tel ou tel auteur a flirté avec ces milieux, on présente ça un petit peu sous l'ordre de la fantaisie personnelle, alors que ça pouvait impliquer bien d'autres choses en termes d'investissement de la part de ces personnes. Et quel est l'impact sur au-delà du milieu littéraire, finalement, dans la réception même de la littérature au XIXe siècle? Est-ce que c'est quelque chose de quantifiable, même si le terme est peut-être mal choisi? Oui, je confirme que le terme est mal choisi. Ouais, je pense aux histoires entre Huysmans et Stanislas de Guetta, justement, par rapport à la sortie de là-bas, avec les duels magiques, où il y a des articles dans le Figaro de l'époque, qui est quand même l'un des grands journaux littéraires parisiens. Effectivement, à l'époque, cette présence de l'occultisme dans le champ littéraire et artistique est davantage assumée par les commentateurs qu'elle ne l'est aujourd'hui par ceux qui voudraient commenter ces périodes passées. Même plus récemment, on va dire l'intérêt pour l'occultisme, même pour l'ésotérisme au sens large, bon, ça a été quand même assez dominant, on va dire, jusque dans les années 30. Il ne faut pas oublier qu'un André Breton ou un Antonin Artaud étaient de grands lecteurs de textes ésotériques, et ça ne choquait pas. Justement, ils ont même eu un certain nombre d'attaques de la part de leurs détracteurs parce qu'ils avaient ce côté irrationnel. Bataille était aussi influencée par certains discours ésotériques. Ça a choqué personne à l'époque, ça faisait partie du débat culturel. Absolument. On va venir justement aux années 1920-1930. Mais donc, avant d'y venir proprement dit, donc on peut difficilement parler de contre-culture occultiste à la fin du 19e siècle. À la fin du 19e... C'est la culture, enfin ça fait partie de la culture. Ça fait partie d'une forme de culture, sauf qu'elle va être développée d'une manière un peu plus intensive, dans une certaine bohème artistique. On peut penser au Chat Noir, par exemple. Au Chat Noir, par exemple. Il y a le Salon de la Rose-Croix aussi, organisé par tout à fait. Qui a beaucoup de succès. C'est quelque chose qui est à la fois un peu marginal, qui ne l'est pas tant que ça, et qui a des contacts très forts avec les milieux artistiques. On ne peut pas parler de contre-culture. Ce n'est pas encore dans une phase justement d'enfouissement. Ce n'est pas encore dans le grand. C'est quelque chose de dominant, ça fait partie des valeurs culturelles de l'époque, mais cet enfouissement va arriver plutôt au début du XXe siècle et après, avec la montée du rationalisme, même d'une certaine forme de matérialisme. Il y a un dédain, un désintérêt pour ce genre de spéculation. Ça va là s'enterrer dans des milieux de plus en plus underground et ça va ressortir un peu plus tard, dans les années 60. Il y a une phase de reflux. Et ce dédain, on peut peut-être, dans une certaine mesure, l'expliquer par le fait qu'entre-temps, les grands drames politiques de l'Europe vont être associés à des origines de type occultiste. Donc pour faire court un petit peu, on va dire, les liens entre le nazisme et l'occultisme, ça va quand même beaucoup contribuer à ce qu'il y a ensuite un rejet des thématiques occultistes. D'accord sur l'idée générale, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que dans les années 30, il n'y a pas ce débat sur les origines occultistes du nazisme, sauf dans une certaine presse catholique assez radicale. Des auteurs, les francs-maçons, des occultistes sont très présents autour du mouvement fasciste. Il y a encore des débats. Guénon publie ses premiers livres aux éditions de l'Action française. Ça passe pas de problème encore. Ça va poser problème après 45. On va dire entre 45 et, pour faire simple, entre 45 et 1960, date de l'apparition du Matin des magiciens. Là, je suis d'accord avec vous. Il y aura une période d'enfouissement. Mais auparavant, non, ça va. Ça va faire partie encore de ce débat culturel. Alors pourtant, les années 30, il semble déjà qu'il y ait un certain enfouissement, puisqu'il y a le surréalisme. Mm-hmm. On va, je pense, en parler maintenant. À part le surréalisme, l'influence occultiste sur les œuvres littéraires a l'air moins importante. Oui, en tout cas, peut-être que ces littérateurs occultistes vont être moins à la mode. Et puis, puisqu'on évoquait le surréalisme, peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue autour du surréalisme, c'est-à-dire le développement de l'occultisme comme véritable contre-culture, dans ce sens où, chez les surréalistes, il y a quand même très clairement un projet révolutionnaire. Là, on n'est plus dans une phase de mélange gentillet entre littérature et occultisme. On est clairement dans un cas de figure où ce qui est revendiqué par des gens qui sont assez jeunes, hein, les surréalistes étaient jeunes pour la plupart, ce qui est revendiqué, c'est que tous ces outils, que sont la poésie et une certaine forme d'occultisme, puissent servir à un changement radical de civilisation. Et peut-être que ça a contribué à faire comprendre à un certain public qu'il pouvait y avoir une radicalité des thématiques occultistes. Une autre idée qui est paradoxale mais qui est parallèle à cela, c'est que d'un autre côté, chez les surréalistes, il y a quand même, on va dire, une dilution des thèmes occultistes. Ça devient C'est moins là, ça se... organisé intellectuellement. Oui, mais en même temps, ça se mélange avec la psychanalyse qui est toute jeune. Et là, on quitte un peu le champ du pur occultisme pour aller plutôt dans l'imaginaire ou la symbolique. Donc il y a un côté, un peu une forme de dilution. Et parallèlement à ça, parmi les personnes les plus radicales aux marges du surréalisme, l'occultisme va s'enraciner et s'enfuir de plus en plus. Pour finir, ces auteurs occultistes du 19e vont passer de mode, sauf justement dans un milieu, les surréalistes. Et d'ailleurs, les mouvements anti-occultistes, anti-maçons et anti-juifs de l'époque font le lien entre le surréalisme et l'occultisme. Là, j'ai un article des Cahiers de l'Ordre, donc la revue de l'abbé Duperron, qui, après avoir présenté un texte repris de Léo Taxi, inclut les thèses du surréalisme dans le plan, entre guillemets, de conspiration maçonnique contre l'Europe. Il met en lien donc, il précise que le surréalisme donc est en connexion avec la revue La Flèche de Maria Donaglowska, avec la Fraternité des Polaires et Tutti Quanti, pour reprendre l'expression, et que cette expression culturelle est annoncée dans les protocoles des sages de Sion. Donc, Je suis tout à au-delà fait. du fantasme de l'époque, est-ce qu'il y a quand même un lien entre ces mouvements et est-ce que l'abbé Duperron est ici dans le délire complet, comme fréquemment, ou il y a quand même peut-être une part d'une certaine réalité? Bah là, c'est vrai qu'il est quand même très largement dans le délire complet. Mais d'un autre côté, les deux exemples qu'il a choisis, Naglowska et les Polaires, c'est vrai que déjà à l'époque font partie des franges les plus extrêmes de l'occultisme, surtout la magie sexuelle vue par Naglowska. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très marginal qui va justement faire, bah, qui ne va pas faire, qui peut être considéré comme l'un des ancêtres des contre-cultures. Parce que Naglowska, sa magie sexuelle, ses pratiques, c'était quand même la volonté de mettre en place une métaphysique du sexe, pour parler comme Evola, qui est très radicale. Alors pour resituer Maria Naglovska. C'était une occultiste russe de la première moitié du 19e, du 20e siècle, pardon, qui avait développé tout un système de pratiques magiques tournant autour du sexe, en particulier de la pendaison sacrée, donc l'asphyxie érotique, et elle avait monté tout un système pour atteindre la divinité. C'est quand même quelque chose de très marginal à l'époque. Elle a aussi traduit le livre de Randolph, le Oui, Démania Sexualis. J'oubliais aussi la traduction et bon, quelques autres textes. À côté de ça, si on continue dans ce genre d'idées, elle était aussi en contact, plus ou moins, avec un Julius Evola, par exemple. Et c'est vrai que là, on rentre dans des franges vraiment très marginales, très, très subculturelles, qui, même au sein des milieux occultistes, c'était déjà très, très minoritaire. Donc là, on rentre dans l'underground de l'underground, et on n'est plus du tout dans une sorte d'ésotérisme dilué, un occultisme dilué, mais vraiment dans des choses radicales, avec une volonté de modifier son environnement. Philippe Rigaud, peut-être Oui, sur cette et question de d'autant la plus radical que, Naglaska et le sexe précisément, comme l'a dit Stéphane, sont des courants qui mettent l'accent sur la sexualité. Et là, pour l'époque, c'est quand même attaquer un énorme tabou. Et je pense que le fait d'avoir orienté leur réflexion occultiste sur ce thème a beaucoup contribué à les faire passer dans une dimension davantage subculturelle. Alors, de ce point de vue-là, on peut quand même noter que, par exemple, les surréalistes, eux, avaient une position assez ambiguë, hein, vis-à-vis de la sexualité. À la fois un discours très anti-bourgeois, anti-famille, et puis des positionnements personnels, vis-à-vis de la femme ou vis-à-vis de l'homosexualité, qu'on peut qualifier d'assez conservateurs malgré tout. C'était assez moins radicaux que Naglowska, par exemple. Cependant, il y a une toute petite relativisation à faire. C'est qu'à la fin du XIXe siècle peut être aussi vue comme l'une des premières grandes périodes de libération sexuelle pour la femme. D'un côté, il y a le moralisme fin de siècle très victorien, je suis tout à fait d'accord. D'un autre côté, c'est quand même les premiers combats pour l'égalité de la femme, les premières positions de suffragettes et les premières grandes théoriciennes de la magie sexuelle. Donc quelque part, c'est quand même au sein de ces femmes, je parle, c'est peut-être aussi l'utilisation de la magie sexuelle comme moyen de reprendre le contrôle de sa propre sexualité, même si ça reste très endogramme. Ça ne concerne que certaines catégories de femmes et même certaines individualités, tout simplement. Et l'impact que ça a pu avoir sur l'ensemble des femmes, il sera quand même beaucoup plus tardif. Oui, tout à fait. Mais on va dire que c'est un germe qui commence à être lancé. Oui, alors moi, de ce point de vue-là, je pense que les femmes doivent sans doute plus à Paul Poiret dans les années 10 qui abandonne le corset qu'aux femmes qui auraient essayé de se libérer en tant que femmes à travers l'occultisme et la magie sexuelle. Ah ça, j'ai jamais dit que c'était pas minoritaire. Et je suis tout à fait d'accord, les femmes qui s'impliquent dans ce genre de milieu sont des femmes quand même d'un certain standing social, ou justement... qui évolue dans les milieux de la bohème, ou qui est plus ouverte au niveau de la sexualité. Non, ce qui n'empêche pas une certaine forme de conservatisme, par exemple, chez les surréalistes. Mais c'est déjà un terreau qui va se mettre en place et qui va se développer petit à petit dans les subcultures pour exploser dans les années 60. Et c'est ça aussi l'intérêt des subcultures, c'est que généralement, c'est les lieux d'expérimentation des évolutions sociales à venir. Mais quand je dis à venir, c'est pas 5 ou 6 ans, ça peut être 10 ou 20 ans après. Ça, effectivement, ça peut constituer des bombes à retardement. Et donc concrètement, sur le surréalisme, quelles sont ses relations avec ce milieu occultiste? Quelles sont les grandes figures qui peuvent influencer les surréalistes? Leur lecture comme on vient de le dire, il y a une redécouverte par les surréalistes d'un certain nombre d'auteurs qui ont flirté avec l'ésotérisme, comme Victor Hugo, tout simplement, sans aller très loin. Déjà, on retrouve certains intérêts. Ensuite, parmi les grandes figures de l'ésotérisme de l'occultisme, bon, la plus connue et celle qui a peut-être eu le plus d'influence, c'est Guénon, qui a été lu par Antonin Artaud, qui a été lu par Breton, qui a été discuté. Ensuite, des surréalistes qui sont impliqués dans l'occultisme, j'en vois quelques-uns comme ça, bon, il y a déjà Artaud. Il y a Bataille, qui a des positions assez, je dirais pas ambiguës, mais assez floues là-dessus. On voit l'influence, mais sans pourtant qu'ils le reconnaissent ouvertement. Il y a le grand jeu autour de Daumal. C'est quelque chose qui a quand même influencé en profondeur le milieu surréaliste. Mais même si on peut aller en plus loin et plus largement, faut pas oublier qu'en Italie, Evola fait partie de Dada. Et qui est réputé en Italie pour ses peintures dada. Voilà, il y a des relations, des rapports entre l'un et l'autre. Et les rapports changent au sein du surréalisme, aussi en fonction du pays. Certains surréalistes de certains pays vont être plus réceptifs que d'autres à l'occultisme. En Allemagne, c'est plutôt minoré, c'est plutôt le côté dadaïste, contestataire, révolutionnaire qui va l'emporter. En Italie, chez D'Annunzio, on va trouver autour de D'Annunzio, en particulier à Fiume, autant des proto-fascistes que des futuristes, que des personnes influencées par le dadaïsme et l'occultisme. C'est des choses très vagues et plutôt qu'on peut voir plutôt par individu que par groupe. Pour ce qui concerne les surréalistes français, on peut dire que globalement, ils vont réhabiliter un certain romantisme allemand, avec des auteurs comme Novalis, ce qui est aussi une certaine façon de réhabiliter, sinon l'occultisme, tout au moins l'intérêt pour le surnaturel, pour l'irrationnel, et avec cette idée que finalement l'esprit humain est directement connecté au surnaturel. Je crois que c'est peut-être ça la particularité de l'occultisme surréaliste, c'est qu'il ne se présente pas comme des initiés, qui sauraient là où les autres ignorent, mais plutôt comme, on pourrait dire, des accoucheurs qui veulent faire comprendre que, par nature, l'esprit humain est connecté au surnaturel. L'influence de la psychanalyse. Absolument. En plus, je rajouterais avec un aspect médiumnique. Parce que si on prend les expériences entre Duchamp et, j'ai oublié le second, sur les Ross et la vie, etc., Les expériences d'écriture automatique qui peuvent être vues d'une manière psychanalytique, elles peuvent être vues aussi comme des retentatives de discussion avec ce qu'on appelait au XIXe siècle les supérieurs inconnus, donc des entités astrales ou d'un autre plan. Et le poète devient une sorte de médium entre l'un et l'autre. C'est vrai qu'on peut retrouver ça chez les surréalistes. Ce qui est effectivement directement un héritage d'une certaine conception romantique allemande. Romantique et irrationnel. C'est ce que je disais avec l'exemple de Victor Hugo. Le Victor Hugo, tout le monde connaît le poète, mais on oublie très souvent sa manie de faire tourner les tables. Et là, de ce côté-là, les surréalistes se placent dans cette filiation romantique. Pareil, Hugo, on l'oublie tout le temps aussi, c'est l'un des premiers romantiques français. De toute manière, le mouvement romantique en général, comme l'a montré Mario Praz, dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est vrai, met en avant un aspect irrationnel et spiritualiste du monde. Très présent chez Nouvelle, chez Goethe et plusieurs autres personnes. À plusieurs autres auteurs allemands. Alors, à la même période, il y a aussi une popularisation, finalement, de certains éléments inspirés de l'occultisme. On peut penser en France au livre Bêtes, hommes et dieux, qui a eu beaucoup de succès, hein, avec un voyage à travers la Russie qui se termine avec la découverte de la cité de la Guerta, hein, ou encore Les sept têtes du dragon vert de Teddy Legrand, qui présente justement les soubassements théoriquement occultistes de l'Allemagne nazie. Hein. Et on peut aussi aller aux États-Unis avec tout ce qui est le pulp. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des pulps, Philippe Rigaud, peut-être? Vous citez souvent Lovecraft dans vos textes. Bah oui, parce que à tout seigneur, tout honneur, il faut quand même préciser que Lovecraft précise bien, lui, qu'il n'accordait aucune foi à ce qui constituait son fonds de commerce littéraire. En même temps, d'un point de vue peut-être un peu psychanalytique, on peut considérer que son profond racisme maladif, a sans doute guidé ses délires littéraires. Alors, on n'est pas dans l'occultisme, mais là, malgré tout, on est dans un cas de figure où il n'y a pas coupure entre l'individu et le littérateur. Je pense que toute cette littérature sur des supports bon marché, je ne sais pas si elle a contribué à développer une croyance dans le fait qu'existeraient des forces inconnues, mais tout au moins elle a popularisé un intérêt. Là, je soulèverai un petit bémol. La littérature de Lovecraft va influencer une certaine forme d'occultisme dilué, notamment à travers le mythe du Necronomicon. Lovecraft va inventer cet ouvrage de toutes pièces, mais certains, par la suite, vont croire en l'existence réelle de cet ouvrage écrit par l'Arafou Abdul Razet, c'est ça? Oui. De ce C'est-à-dire point de qu'il vue. cite le Necronomicon au milieu de plein d'autres livres qui sont Voilà. des livres qui ont existé, qui Et existent, oui, pas qui voilà. ont été. Donc, il C'est va. volontaire. C'est volontaire. Donc, quelque part, là-dedans, il va balancer une petite bombe qui va exploser par la suite. Et c'est vrai que Lovecraft peut être vu comme la première tentative d'un occultisme complètement désoccultisé, d'une création complètement littéraire, mais qui va avoir une fortune a posteriori. On peut penser même à la. Aux généalogies chez Lovecraft dans l'histoire du monde, qui se retrouve d'ailleurs chez un autre auteur qui est Howard, donc le créateur de Conan, voilà, et qui reprend finalement des pans entiers de la théosophie et des histoires, enfin, de l'histoire de l'humanité selon Blavatsky, avec les successions hyperboréennes, lémuriennes, atlantes, Oui, tout à dans fait. des ordres complets, je les donne, Mais Howard et Lovecraft étaient des amis, donc ils se sont échangés des informations et s'écrivaient très souvent. On peut être pensé aussi qu'ils ont peut-être voulu mettre en place une mythologie, une pseudo-mythologie ensemble. Mais reprenant quand même Mais reprenant. des éléments présents dans une littérature Oui, mais théosophico-occultiste. qui reste pour la fin du 19e siècle une littérature qui n'est pas si underground que ça. La théosophie, les thèses théosophiques, on les retrouve diluées, diffusées à peu près partout à la fin du 19e. Donc ça fait vraiment partie des idées ambiantes. En plus, il faut savoir que Blavatsky, donc la fondatrice de la société théosophique, lorsqu'elle a écrit ses ouvrages, elle n'a strictement rien inventé. C'est une compilation, un collage de différents textes de son époque qu'elle a réagencé, c'est tout. Une pratique quand même assez fréquente dans la littérature occultiste. Et précisément, puisque vous évoquiez le fait qu'un certain nombre d'individus prétendent que les textes sacrés dont parle Lovecraft et le Necronomicon existent réellement, il faut signaler que Madame Blavatsky, d'autres ésotéristes de l'époque, soutenaient l'idée qu'un pur littérateur, qui flirte avec ces sujets, peut en réalité, sans le savoir, être inspiré par des forces supérieures. Et que donc la fiction demande à être lue comme un véritable document ou un témoignage. Et donc c'est une interprétation des choses d'ailleurs qu'on retrouve chez Hitler. Hitler qui disait que les grands mythes de l'humanité disaient bien quelque chose d'une réalité supérieure. Et qu'on ne peut pas finalement considérer que ça n'est que de l'imaginaire. C'est quand même assez fort de la part de Mme Blavatsky de dire un auteur qui prétend avoir purement imaginé ça, il ne sait pas ce qu'il raconte parce qu'en réalité, il ne l'a pas imaginé. Oui, mais là, on trouve le lien qui existe depuis l'Antiquité entre le poète et l'esprit surnaturel. Chez les Grecs, si je ne me trompe pas, disaient que le poète n'était que la parole des dieux et ne faisait qu'exprimer une idée divine. Donc c'est quelque chose qu'on trouve très fréquemment. Et pour l'exemple de Hitler, c'est vrai que Hitler, dans sa jeunesse, a lu la littérature folkish, et une littérature folkish influencée par les idées de Blavatsky. Donc en fait, il reste dans une continuité intellectuelle de son époque. C'est pas parce qu'il dit ça qu'il faut... Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. C'est pas parce qu'il dit ça qu'Hitler est forcément un agent des forces occultes. Mais il s'inscrit simplement dans le contexte intellectuel ou anti-intellectuel de son époque. Mais pour revenir à Lovecraft, oui, le Necronomicon, ça c'est quelque chose qui est franchement intéressant, parce que invention purement littéraire, qu'on va retrouver dans les milieux underground et on va dire néo-occultistes des années 60-70, avec l'idée que c'est un texte véritable, qui a vraiment un fond occultiste valable, et certains vont le citer en tant que tel. D'ailleurs, même des pseudo-scientifiques, des pseudo-spécialistes comme Paul Ariès croient dur comme fer à la véracité de l'existence du Necronomicon. Bon, d'un autre côté, les livres d'Ariès, c'est une erreur tous les trois lignes. Oui, en faisant des recherches sur ce sujet, je suis tombé sur certains sites sur Internet qui indiquent dans quelle bibliothèque on peut consulter le Necronomicon. Lovecraft l'avait indiqué lui-même, d'ailleurs. Oui, mais... À l'époque, il y a un exemplaire célèbre de Lovecraft, théoriquement au British Museum, voilà, à la Bibliothèque nationale. Ce genre de choses est reprise par des gens dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils n'ont même pas vérifié l'information qu'ils transmettent. Non, c'est ça. Ce qui en dit long peut-être sur le type d'individu qui peut fréquenter aujourd'hui ces milieux ou ces thématiques. On va dire ce manque de sérieux dans les milieux occultistes, on l'avait déjà au XIXe siècle. C'est en réaction à ce pseudo-occultisme que Guénon a formulé son discours, en rejet de ça. Et c'est vrai qu'au 19e, on avait aussi des mouvements pseudo-initiatiques en carton-pâte. Donc ce genre d'acculturation, on l'avait déjà. Ben ça peut être aussi une constante dans les milieux occultistes. Alors est-ce qu'on pourrait voir, finalement, dans ces années 20-30, à la fois une dilution de l'occultisme dans une culture populaire et finalement un abandon de ces théories occultistes dans une culture dominante qui tend à se rationaliser et à promouvoir un certain matérialisme. Comme Philippe Lerigo l'a dit tout à l'heure, c'est à partir de ce moment-là que ça commence à s'enfuir. Ça va disparaître jusqu'aux années 60. Il faut aussi remettre dans le contexte, les années 20-30, en particulier 30, sont les années du dirigisme, du planisme. C'est le début du technocratisme. Qui a pourtant certaines sources plus ou moins occultistes, puisque c'est un type d'Alvèdre avec la synarchie et une préfiguration sous certains aspects de la technocratie. Oui, en plus, le lien étant fait par Coutreau, qui se référait à la fois à la synarchie et qui était un technocrate. Coutreau reste une figure quand même très marginale. Et qui ne développe pas tant les idées occultistes que des idées purement fonctionnaliste dans la société. Oui, d'ailleurs, on peut même penser que les idées synarchiques de Coutreau, c'est une lecture de Saint-Yves d'Alvèdre. À un moment, j'invente un peu, il s'est dit, tiens, idée intéressante, pourquoi pas reprendre le terme, l'idée sous-jacente, mais on rationalise à l'excès. Et c'est vrai que la synarchie de Coutreau, c'est une construction purement technocratique, ultra-rationalisée. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, ça a quand même tendance à disparaître. Tout à l'heure, Philippe Rigaud parlait de l'Allemagne nazie. Les idées folkish qu'on va trouver au sein d'une partie nazie au début des années 20 vont disparaître. Et à partir de 34, on est quasiment dans une politique planiste, hyper rationalisée. Une influence du marxisme, enfin pas dans le cas de l'Allemagne nazie, mais aussi dans les sociétés, une influence marxiste. Là, on peut dire quand même, quelque part, on est quand même dans la mort de Dieu définie par Nietzsche, c'est-à-dire que le sacré, même sous une forme très diluée, a disparu et ne joue plus aucun rôle. On peut effectivement considérer que c'est l'époque où, d'une part, pour faire court, l'Union soviétique devenant un petit peu une chose bonne à penser, positivement ou négativement pour la gauche occidentale, il y a une rationalisation de la pensée de gauche qui se débarrasse définitivement de ces scories occultistes qu'elle pouvait connaître au XIXe siècle. Et puis, d'une façon générale, c'est le plein développement technicien, c'est de grandes découvertes scientifiques, et puis de grandes préoccupations quant à l'avenir, qui sans doute ont contribué à développer un esprit plus rationalisant.